base il voulait des sous. Et ensuite il en a fait. A l'époque il était en lot. Mais des potes il en avait. Maintenant il en a plus. Est-ce qu'on tente de son cash et son brody? Il marche tout seul dans la rue. Mais la rue est en panique. Son regard il est noir de haine. La guerre il la repousse jamais à demain. Le raisonner ce n'est pas la peine. Il ira fumer pour autrui le lendemain. Le grand banditisme, c'est pas dissimulé. Ta vie il te l'enlève. Tranquillement la scène continue. La scène continue. Ta vie il te l'enlève. Tranquillement la scène continue. A la base il voulait des sous. Sa première cadavre, 25 piges. Est-ce que c'est l'argent qui l'a incité? Il a fumé son pote et sans hésiter. Il a enchaîné, enchaîné. Au final il a regretté de sa carrière de meurtrier. Il n'est pas encore retraité. C'est la rue qui l'a enseigné. Elle a mis son cœur sous scellé. À cause d'elle beaucoup ont serré. Au final ils ont regretté. Il a regretté. Il a regretté. Il a regretté. Il a regretté. A la base il était pas fou. Mais ensuite il est devenu. Entre la prison et la rue. Beaucoup de temps il a perdu. Sa femme il a renié. 40 ans pas de barbe. Son passé peut pas l'oublier.